La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la vie et la mort par temps de pandémie. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris pour un nouvel épisode de Combat, en direct et en public, ce qui fait bien plaisir. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Combat, vous le savez, c'est le nom donné à un cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture, de débats et de lectures ici au Théâtre de la Ville, que je remercie pour son accueil chaque fois si chaleureux. Le camarade Léon Bonafé, qui d'habitude déconfine nos neurones à l'aide de ce qu'il appelle des trampolines poétiques, n'est pas des nôtres aujourd'hui, il parle ailleurs, pour une excellente raison qui tient en ce que les manifestations culturelles ont repris. Mais nous le retrouverons bientôt le 19 juin pour être précis. Au début de la pandémie, j'avais décidé de ne pas parler d'elle dans le cadre de la conversation scientifique. D'une part parce que je souhaitais privilégier les pas de côté par rapport à l'actualité la plus pressante, d'autre part et surtout parce que le camarade Nicolas Martin et son équipe traitaient magistralement et régulièrement du sujet dans la méthode scientifique. Mais j'ai changé d'avis, ce qui n'est malheureusement pas la preuve que je ne suis pas un imbécile. J'ai changé d'avis en découvrant le livre de Jean-Pierre Dupuis, notre invité d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans quelques instants, car lui, plutôt que de parler de la pandémie elle-même, il revient sur les analyses qui en ont été faites, notamment par les philosophes. Or, une analyse d'analyse, me suis-je dit, c'est forcément du bon grain à moudre pour la conversation scientifique. Rappelons qu'un virus n'a pas d'intentionnalité, à part peut-être celle de trouver des hôtes pour se multiplier puisqu'il est incapable de le faire tout seul. Il n'est pas vivant, mais il veut vivre. Contrairement à ce qu'on a pu lire et entendre ici et là, celui qui est responsable de la Covid-19 n'a donc nullement surgi dans le but de nous faire la morale, encore moins pour nous châtier. Mais à défaut de recevoir des leçons de sa part, nous pouvons, nous, en tirer quelques-unes pour notre propre compte en examinant les effets qu'il a eus sur nous et sur les réactions qui ont été les nôtres, notamment dans le champ de la pensée. Qu'avons-nous appris grâce à lui? Nos analyses de la situation ont-elles toujours été à la bonne hauteur du drame? Et nos discours sur la vie et la mort ont-ils été modifiés par l'épreuve de la pandémie? Pour en parler, j'ai invité donc Jean-Pierre Dupuis. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes l'auteur d'un livre qui traite directement la question, qui s'intitule « La catastrophe ou la vie, pensée par temps de pandémie ». Et ma question portera d'abord sur le début de votre parcours, Jean-Pierre Dupuis. J'ai entendu dire, ou je vous ai vous-même entendu dire il y a peu, que vous aviez fait Polytechnique, mais que c'était une erreur de jeunesse. Il m'a semblé que ce n'était pas une coquetterie de votre part. Alors qu'est-ce que vous vouliez signifier par là? Je voulais signifier par là que vous m'obligez à parler de moi, là. Et en termes positifs, j'ai été reçu à la fois à Polytechnique et à l'École normale supérieure. Bon. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Bon, enfin, ça arrive quand même à pas mal de monde. Je parle de l'École normale supérieure, branche mathématiques, scientifiques, bien évidemment, pas lettres. Et j'ai eu à choisir. Bon. Et j'étais fait pour les mathématiques, c'est évident. Mais en même temps, les mathématiques, je pensais que je mènerais une vie de moine, hein, parce que pour être un vrai mathématicien, hein, on n'est pas comme ça. Il faut y consacrer sa vie, ses nuits, etc. Et je préférais une vie active. Surtout, je voulais découvrir l'Algérie. C'est une plaisanterie, évidemment. Triste plaisanterie, puisque entrer à Polytechnique, à l'époque, je voulais dire partir en Algérie, école militaire, n'est-ce pas? Bon, voilà. Voilà. Alors, je peux dire que je le regrette au sens où j'aurais peut-être pu faire une carrière de mathématicien et de philosophe, tandis que j'ai eu d'abord une vie active, et puis je suis revenu à, au fond, ce pourquoi j'ai été fait, c'est-à-dire la spéculation, la pensée, et donc la philosophie. Mais pourtant, vous racontez dans votre livre, Jean-Pierre Dupuis, qu'à Polytechnique, vous avez mené une étude qui vous sert dans votre argumentation d'aujourd'hui, puisqu'on vous a chargé de rédigé un mémoire sur la gestion optimale du parc de Jeep de l'armée française. Et vous le citez, ce mémoire, dans votre livre. Il vous sert à parler de la pandémie. Oui. Alors, par quel biais ? Eh bien, en Algérie, j'étais sous-lieutenant, donc, automatiquement d'ailleurs. Quand on entrait à Polytechnique, on était automatiquement sous-lieutenant. Et j'étais en Grande Kabylie, chez les chasseurs alpins, et mon capitaine, dans un endroit absolument magnifique, enfin, et mon capitaine m'a demandé, au bout d'un certain temps, d'être son chauffeur, conduire une Jeep, justement. Alors, conduire une Jeep en Grande Kabylie, à l'époque, c'était quand même pas rien, parce qu'il y avait des mines un peu partout, hein, et on pouvait très bien, facilement sauter. Enfin, bon, donc, c'était, j'ai survécu, vous voyez. Cette expérience m'a marqué. Alors, une fois rentré à Paris, ça faisait toujours partie de mon... Alors, on ne peut pas parler de service militaire, puisqu'on était dans l'armée active, hein, mais dans mon service à l'armée, j'ai été chargé d'une telle étude, effectivement. Bon. C'était l'époque de ce qu'on appelle peut-être encore aujourd'hui, la recherche opérationnelle, qui venait d'Amérique, hein, Operations Research, la théorie des queues, des files d'attente, etc. Bon. Et la gestion d'un parc quelconque, ça fait partie justement de la recherche opérationnelle. En l'occurrence, il s'agissait d'Égypte, puisqu'on savait que j'étais un spécialiste d'Égypte. Alors j'ai abouti à des conclusions assez... c'est là que je vais répondre à votre question. Le rapport avec la Covid aujourd'hui a des conclusions qu'on pouvait intuiter en quelque sorte. Bon, c'est-à-dire, vous avez un parc de Jeep, elles vieillissent, elles sont utilisées, il faut les entretenir et parfois les remplacer. Donc j'avais calculé l'âge... au bout duquel il fallait entretenir peut-être moins qu'avant une Jeep, avant de décider de la jeter et de la remplacer. Voilà. Parce que plus elle est vieille, plus les pannes risquent d'être graves. Exactement, voilà. Donc on comprend qu'il y a un optimum entre acquérir une nouvelle Jeep qui coûte de l'argent et continuer à entretenir, mais de plus en plus coûteuse. Bon, ça se passe aussi avec des voitures, nos voitures individuelles, privées. Et donc, dans un chapitre de mon livre, je me moque des économistes de la santé, peut-être un peu méchamment, bon, qui effectivement font comme si les êtres humains étaient des jeeps. Bon, c'est-à-dire que, alors ils peuvent pas aller jusqu'au bout, bien évidemment, mais alors ils ne vont pas jusqu'à dire, certains l'ont dit, y compris au plus haut niveau, en France. Mais aussi aux États-Unis et ailleurs, au Brésil surtout, bon, qu'il existe un moment où de toute manière un être humain est suffisamment usé, abîmé, etc. Il va mourir d'autres choses de toute manière, donc pourquoi le soigner, hein, voilà. Vous faites allusion à une phrase du président du Brésil, Monsieur Bolsonaro, qui a dit « il faut bien que les gens meurent de quelque chose ». Exactement. Alors on peut le dire entre nous, entre amis, etc. Mais quand on est président d'un pays aussi important que le Brésil, ça pose des problèmes quand même. Oui. Est-ce que vous-même vous avez eu peur pendant cette période avant d'être vacciné ? Le fait d'être vacciné n'a pas changé vraiment mon état d'esprit. Alors la peur dont je parle, effectivement, n'est pas une peur panique qui empêche de penser. C'est exactement le contraire. Hein. C'est une peur telle que l'a théorisé le philosophe allemand Hans Jonas, qu'on considère généralement comme le père du principe de précaution. Hein. C'est une peur simulée. C'est pas une peur dont on fait l'expérience. C'est pas une panique. Une peur panique, effectivement, qui vous empêche de penser, précisément. Non, vous vous mettez... Parce que le problème... Pour toutes les catastrophes dont on parle, le changement climatique, la possibilité d'une guerre nucléaire, etc., c'est que les gens n'ont pas peur. C'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils n'ont pas peur. Et donc, ils n'agissent pas. Il faudrait donc qu'ils aient peur, mais pas une peur qui les empêcherait de penser et d'agir, etc. Donc, c'est une peur simulée, presque au sens informatique du terme. Hein, vous vous mettez par la pensée dans une situation où vraiment les choses seront graves. Hein, et vous simulez vos réactions à ce moment-là, et vous les avez sans le côté négatif de ces émotions négatives. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez peur de la mort ou du fait de mourir d'une certaine façon. Vous dites dans votre livre que, par exemple, tomber d'une tour de 110 étages, ce qui normalement condamne à la mort, oui, ne vous gênerait pas. Ça m'a beaucoup surpris. Je dis pas tout à fait ça. Et ce chapitre, qui est au début de mon livre auquel vous faites référence, il faut le lire, il faut le comprendre comme très ironique. Hein. Je veux dire par là, en fait, que c'est un journal, n'est-ce pas ? Donc il y a des dates dans les divers chapitres. Et là, c'est au tout début de la pandémie, hein, lors du premier confinement. Bon. On disait, on relatait l'expérience des gens qui étaient passés sous ventilateur. Hein. Et c'est assez horrible. Bon, c'est toujours très horrible. Très, très horrible. Hein, le sentiment de je fais la comparaison avec une carpe qui sort de l'eau, paradoxalement, puisque elle a trop d'oxygène, alors. Mais, ce sentiment de, ben, j'en ai pas fait l'expérience, mais je peux le simuler, justement, ce sentiment de, d'ouvrir la bouche comme ça, enfin sous l'eau, et d'avaler tout ça, c'est ce que décrivent ceux qui en sont sortis. Alors je dis, ça c'est la mort la plus terrible, et je ne veux pas en entendre parler. Bon. En revanche, tout ça c'est pour dire que ce qui... Alors, pas peur, le mot peur est trop faible du coup. Ce qui m'angoisse, mais encore une fois une angoisse qui oblige à réfléchir, et non pas qui, pas une angoisse panique, c'est la mort, non pas... le fait de mourir. Ah, en français, on n'a qu'un mot d'ailleurs. La mort au sens de être en train de mourir, agonisant, et la mort comme état. En anglais, il y a deux mots. Hein, death et dying. Bon. Donc vous avez peur d'être mort? Oui, alors, plus que de mourir. Alors que quand vous serez mort, il y a l'épicurien. Non, mais quand vous serez mort, vous n'aurez plus peur. Mais justement, ça, c'est, on dit ça depuis Épicure et ça m'a jamais consolé. Ça ne m'a jamais, j'ai jamais pris ça au sérieux. Quand je serai mort, je ne serai plus, donc c'est faux. Et tant que je existe, ben, c'est que je suis vivant. Bon, c'est un vieil argument que moi je n'ai jamais trouvé absolument convaincant. Bon. Donc vous avez peur d'être mort? Exactement. Oui, oui, oui. Alors il y a un c'est-à-dire autre... l'état du néant absolu. Enfin, c'est ça. Attendez. C'est là que l'idée de simulation est très importante. Il faut vraiment se mettre à regarder dans l'abîme et la non-existence. Oui, mais quand vous regardez dans l'abîme, vous êtes quand même là à regarder. Donc il n'y a pas le néant pur, il y a un néant qui est habité par vous-même. C'est là le paradoxe énorme, mais c'est ce paradoxe qu'il faut affronter, que j'essaie d'affronter, si vous voulez. Bon, il y a l'argument que sous Louis XIV, je n'existais pas. Bon, et ça, qu'est-ce que ça ne fait ni chaud ni froid? Pourquoi est-ce que cela m'affecterait en quelque sorte de savoir que je ne vais pas exister? Alors, je suis généreux, allez, disons dans 50 ans. Bon, sans doute bien avant. Bon. Cet argument est faux. Et là, je pense à quelque chose qu'a dit Jean Kalevitch, qui est un de mes philosophes favoris, que je cite souvent dans ce livre. Dans un livre de Jean Kalevitch qui s'appelle « La mort », justement, 800 pages que vous lisez, que j'ai relu plusieurs fois pendant cette pandémie. À la fin de la lecture, vous ne savez rien de plus que vous ne sachiez déjà sur la mort, mais c'est le fait de ne pas savoir quoi que ce soit de plus qui est vraiment la source de l'angoisse. Hein? Bon, voilà. Alors Jean Kalevitch dit « Il restera vrai à jamais que j'ai été ». Et ça ne suffit pas pour consoler le fait que la mort ne soit jamais un présent, ni quand on est en train de mourir, ni quand on est mort, on n'est pas présent au fait absolument. D'être mort. Mais il se peut même que personne, aucun être humain, ne soit présent. Si on est dans une post-apocalypse où l'espèce humaine aura disparu. Mais ontologiquement, métaphysiquement, il est vrai qu'il y aura un moment où on pourra dire... Personne, c'est pas quelqu'un qui pourra dire, ou il sera vrai que j'ai été vivant. Bon. Jean-Pierre Dupuis, je ne sais pas si vous connaissez un autre philosophe qui s'appelle François Cassin-Génat-Trévidi, qui a fait comme vous. Il a rédigé une sorte de journal pendant la pandémie, qu'il a publié sous le titre Chronique du temps de peste, et il parle de la peur. Et je voudrais voir avec vous si vous partagez son analyse. Il dit ceci, parce que nous sommes mortels, et que la peur est toujours in fine peur de la mort, quelques peurs nous accompagnent toujours. Réaction naturelle et universelle, la peur inhibe pour commencer, mais elle déclenche aussi l'action. Après avoir paralysé, elle se découvre motrice. Encore faut-il qu'elle mobilise de façon rationnelle et maîtrisée, car nous savons combien elle peut susciter d'irrationalité et de pulsions plus mortifères que son motif originel. Elle peut alimenter la stupidité, la violence, éveiller et réveiller des fondamentalistes, des fondamentalismes de toutes sortes et de tous bords. Il y a eu de l'irrationnel pendant cette... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ah oui, je trouve ça très très beau et très juste, et je le partage complètement. Dans votre livre, vous reprochez à certains intellectuels, non pas de penser, mais de ne pas raisonner. Comme s'il y avait une différence entre les deux, et comme si on pouvait mal penser dès lors qu'on raisonne mal. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est-à-dire que je pense que raisonner, la rationalité, c'est certainement pas, surtout si on est heideggerien, hein, bon, mais... c'est certainement pas le tout de la pensée. Hein. Bon, ça n'est pas le tout de la pensée, mais c'est certainement une condition nécessaire pour penser. Bon. Et c'est là que peut-être on va arriver à la science. Enfin, bon, parce que la science, je crois qu'il y a un tronc commun entre une formation scientifique et une formation philosophique, c'est la maîtrise des concepts. Hein, voilà, hein, c'est... Bon, je crois que c'est Deleuze qui a dû dire, il se peut que je me trompe, hein, que qu'est-ce que la philosophie? Ben, c'est la maîtrise des concepts. Bon, voilà. Mais on peut dire la même chose des mathématiques. Bon, donc passer des mathématiques à la philosophie, comme j'ai fait, c'est pas un saut énorme. Je vous cite exactement, vous dites, la faculté de penser ne se réduit pas à la faculté de raisonner, mais sans cette dernière, la première ne produit que des discours vides. Oui. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, donner des cours sur l'exponentielle? Aux philosophes. Parce que vous montrez non. Que, par exemple, oui. Beaucoup ont parlé du virus comme s'il avait une létalité intrinsèque, oui. Qui ne dépendait que de lui, oui. Ou bien une contagiosité intrinsèque, oui, oui. Qui ne dépendrait que de lui. Oui, oui. Or, c'est complètement faux dans les faits. Mais bien évidemment. Bon. Mais écoutez, l'exponentiel, moi, je serais partisan de bannir ce mot. Je me demande d'ailleurs comment il a pu, comme ça, se répandre comme un virus dans l'espace public. Oui, il s'est répandu de façon exponentielle, pour le coup. Oui, oui. Alors, sauf qu'il a l'air maintenant un peu de se tasser. Hein. Bon, si vous voulez, s'en est venu à signifier grand. Hein. Bon. Donc, il croit vite. Alors, oui, mais aussi parfois tout simplement grand. C'est un adjectif qui signifie oh, c'est énorme, bon, c'est exponentiel. Bon. Écoutez, je ne sais plus, à vrai dire, quand on m'a inculqué cette notion de fonction exponentielle. Je pense que c'était au niveau du brevet, hein, enfin, troisième ou quelque chose comme ça. Et alors, on vous apprenait que une fonction exponentielle, d'abord, c'est une fonction qui est exponentielle, c'est pas n'importe quel objet, est exponentielle, je vais pas vous l'apprendre, si elle est égale à sa propre dérivée. Donc à sa dérivée seconde, donc sa dérivée 3, etc., puisque c'est à chaque fois la même chose. Bon, c'est une définition tellement abstraite que c'est vrai que si on n'a pas fait de ces mathématiques élémentaires ou qu'on les a complètement oubliées, mais à ce moment-là, il vaut mieux ne pas utiliser cet adjectif. Il y a d'autres manières imagées de dire ce qu'est la diffusion d'un virus. C'est de parler de réaction en chaîne, par exemple. Tout le monde a entendu parler de ce qui se passe dans une centrale nucléaire ou dans une bombe atomique. Hein. Un neutron en produit, oh ben quand même. En gros, on sait, un neutron se paye un atome d'uranium ou de plutonium, bon, il produit plus d'un neutron, etc. Et ça diverge. Bon, on peut aussi parler, puisque la cybernétique quand même fait partie un petit peu des connaissances publiques, enfin, si je peux dire, que c'est un feedback positif, hein, c'est-à-dire que la sortie d'un système rétroagit sur l'entrée, et donc... C'est-à-dire que l'effet produit est une nouvelle cause. Exactement. L'effet produit est une nouvelle cause. Voilà. Donc dans le cas de la fission de l'uranium, par exemple, un neutron coupe un noyau qui émet voilà. Deux Exactement. Trois neutrons qui vont couper d'autres Exactement. Noyaux, etc. Tout le monde peut comprendre cela. Et en l'occurrence, pour la pandémie, ça veut dire que si on ne peut pas parler de contagiosité intrinsèque du virus, c'est parce qu'une personne malade peut en contaminer alors deux, trois, ça dépend de la... Exactement. Qui elles-mêmes vont en contaminer deux, et trois. Et ça va très vite. Et ça va très vite. À votre intention, j'ai calculé ce que ça donnait... Donc, deux, hein, le fameux... Comme vous avez été reçu à Polytechnique et à Normale Sup, en même temps, vous faites confiance au résultat. Bon, alors, 2 puissance 2 multiplié par 2 millions, 16 fois, hein, 2 puissance 16, 16 périodes, c'est quoi? Bon, une période, disons, pour le virus, pour se manifester, ses symptômes, c'est une semaine, 10 jours. Disons 15 jours, ça fait 8 mois. 15 jours, bon, alors oui, ça fait 8 mois, ça fait déjà 70 000. Donc, une personne, au départ... va au total contaminer 70 000. Donc, la source d'une contamination, 70 000 personnes. Et donc la contagiosité dépend non seulement du virus, mais aussi de la façon dont on règle la vie sociale. Bon, donc ces notions, ces concepts, hein, je veux dire, devraient, dans une société démocratique reposant sur la science et la technique, être accessibles à tout le monde. Mais comme moi, enfin comme vous et comme beaucoup d'autres, j'ai beaucoup lu des gens dire « mais ce virus est peu létal ». On avançait le chiffre de 2%. Oui. Il est peu contagieux. Oui, oui. Donc, la belle affaire. Exactement. Bon. Raisonnement qui est donc complètement faux. Mais vous prêchez un convaincu. Oui, oui. Mais la question est comment l'expliquer. À vrai dire, je ne me suis pas trop posé la question. J'ai pensé à l'idéologie. Hein. Mais là, nous parlons d'intellectuels européens. On ne va pas donner de nom. Hein. D'intellectuels européens, pas mal français, mais d'autres italiens, allemands, enfin, ce que vous voulez. Américains. Mais américains, attendez, c'est une toute autre catégorie de gens qui tiennent en gros le même discours. Sauf que ce sont des suprémacistes blancs, des fascistes, etc., qui ont envahi le Capitole de la ville de Lansing, au Michigan, capitale du Michigan, au mois d'avril, ou juin plutôt, de l'an dernier, de 2020. Puis ensuite, le Capitole de Washington, bon, etc. C'est ces gens-là. Ce qui est curieux, c'est que certains intellectuels ont dit les mêmes choses que messieurs Trump et Bolsonaro, par exemple. Oui, ça dit, je ne pense pas qu'il y ait eu de communication directe. Ça a été par contagion des discours. Non. Je pense d'ailleurs que les intellectuels dont nous parlons seraient vexés qu'on puisse les... ou sont vexés, puisque s'ils ont lu mon livre... qu'on puisse les rapprocher des suprémacistes blancs ou des fascistes américains ou allemands d'ailleurs. J'ai rappelé tout à l'heure que Bolsonaro a dit oui, il faut bien que les gens meurent de quelque chose. Exactement. Oui. Trump a dit des choses assez semblables et quand on regarde l'association des mots Trump et Bolsonaro, on trouve une anagramme qui résume parfaitement ça. Ça donne t'es bon pour la mort. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non, bon, là c'est bon. Voilà. Là, je sais que vous êtes très bon pour les anagrammes, mais celui-ci, je vais virer quand même. Ça clôt le débat, alors. C'est trop beau pour être vrai, sinon est vero. Bon. Alors, vous dites que, et je partage ce sentiment, parce que quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à comprendre cette phrase qu'on trouve dans l'Évangile, « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Pas les morts, leurs morts. « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Et je ne comprenais pas qu'on puisse demander quelque chose à des morts. Notamment une action, en l'occurrence, enterrée. Et je m'étais dit que plus tard, quand je serai grand, je comprendrai. Et en fait, je comprends toujours pas. Alors, que veut dire cette phrase ? Eh bien, jamais au tout début de mon livre, ça veut dire simplement que la mort n'a affaire qu'à elle-même. Là, je m'oppose à des gens qui, extrêmement intelligents, très profonds, qui ont été des modèles pour moi, des biologistes en particulier, biologistes philosophes, qui m'ont appris, comme à nous tous, enfin, que la mort, c'est l'antichambre de la vie, en quelque sorte, que la mort fait partie de la vie. Hein. Mais c'est Montaigne aussi. Alors, c'est Montaigne, bien évidemment. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Voilà, c'est ça. Bon. Et Jean Kelevitch m'a appris tout le contraire, mais j'avais refoulé la leçon de Jean Kelevitch, à savoir que l'un des plus grands philosophes, selon Jean Kelevitch, c'est Monsieur de la Palice. Bon, évidemment, c'est ironique. Monsieur de la Palice qui, 10 minutes avant de mourir, était encore vivant. Bon. Et complètement vivant. Et complètement vivant. Bon. On peut dire une nanoseconde avant. Enfin, parfois, il y a une zone grise, évidemment, entre là. Bon. C'est-à-dire que le rapport entre la mort et la vie, c'est un rapport à la fois d'infinie proximité, puisqu'on peut s'en approcher tout près. Mais c'est jamais une cohabitation. Et ce n'est jamais une cohabitation. Et c'est aussi infiniment loin, puisque c'est un tout autre état. Donc la mort n'est pas en train de corroder la vie pendant qu'on est vivant. Exactement. Elle vient d'ailleurs, en quelque sorte. Exactement. Mais ça, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la, la philosophie de Lévinas dans son livre, oui. Le temps et la mort, par exemple. Oui, je pense. Dans lequel il s'oppose à Heidegger sur cette question. Oui, je pense. Oui, Heidegger, c'est être pour la mort, justement. Ou Montaigne, se préparer à la mort. Bon, on ne peut pas se préparer à la mort. Il faut peut-être mieux être préparé que pas préparé à la mort. Mais on ne peut pas s'y préparer, hein, puisque c'est un tout autre... Alors comment on s'y prépare si on ne peut pas s'y préparer ? Ah non, mais on peut y être préparé par la grâce des choses et des circonstances. Hein. On peut être préparé à quelque chose sans que ce soit un exercice mental ou moral, ou etc. Bon, oui. Sur l'irrationalité, si vous voulez, on peut dire quelque chose de plus, parce que je me suis aperçu, après avoir écrit mon livre, que d'une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que dans mon livre, je suis quand même charitable par rapport à ceux que je critique et que j'attaque même. Que j'attaque. Bah, c'est un combat. Qu'est-ce que ça aurait été si vous ne l'aviez pas été ? Bon, c'est un combat. Hein, c'est une journée de combat, si j'ai bien compris. Oui. Bon, à France Culture. Donc c'est un combat. Bon. Mais je veux être charitable quand même. Parce que j'ai essayé de comprendre, puisque ce sont des intellectuels, s'il n'y avait pas des raisons à leur déraison. Hein. Et je les ai trouvées dans mon premier livre, auquel on m'a... mon premier livre sur les catastrophes, enfin pour un catastrophisme qui s'appelle éclairé, Le catastrophisme éclairé, qui a maintenant 20 ans. Qui est un titre qui a créé beaucoup d'ambiguïté. Oui, d'ambiguïté, et en plus, parfois je me compare à Sean Connery, hein, qu'on a coincé pratiquement toute sa carrière dans son rôle de James Bond. Bon. Or, il était bien capable de faire autre chose que James Bond, hein, il l'a montré. Bon. Alors moi, on me ramène toujours à ce livre. Bon, or, c'était un brouillon, ce livre. J'en ai écrit 10 depuis, sur des sujets voisins ou d'application, en quelque sorte. Et bon, mais enfin, voilà. Vous avez reçu pour un livre sur la jalousie. Alors, c'est exact. Tout à fait. Qui est une forme du mal, aussi. Et donc, dans ce livre, il y avait une sorte de prémonition de ce qui allait se passer ? Donc, exactement. Et alors, je vais essayer de l'expliquer. Mais vous êtes le premier à me donner l'occasion de dire ce que je veux dire, là. Je vais essayer d'être aussi court que possible. Bon, dans le premier livre, je me demandais pourquoi, face à des catastrophes comme le changement climatique, ou aussi, même si c'est beaucoup plus lointain dans l'esprit de pas mal de gens, la possibilité d'une guerre nucléaire, qui serait beaucoup plus grave que le changement climatique, bon, pourquoi est-ce que nous n'arrivions pas à croire ce que nous savons, à savoir que ça va se produire ? Bon, pourquoi est-ce que le savoir ne se transforme pas en croyance, et c'est la croyance qui permet ou non d'agir, suivant qu'elle existe ou non ? Bon. Et je me suis, c'est dès la première ou la troisième page de ce livre, pour un catastrophisme éclairé, rabattu sur Bergson. Bergson qui, en 1930 et puis en 1932, a mis en avant une thèse qui est que le possible ne précède pas le réel, mais ne se produit que quand la chose se réalise. Alors, en 1930, c'est son discours à Stockholm, qu'il n'a pas tenu d'ailleurs parce qu'il était trop malade à l'époque pour recevoir le prix Nobel de littérature, il n'y a pas de prix Nobel de philosophie. Et il dit, je crois qu'on arrivera vraiment à se convaincre que l'artiste crée du possible en même temps que du réel. Alors je ne sais plus quel tableau il prend, mais disons les Demoiselles d'Avignon de Picasso qui date de 1907. Et donc l'idée c'est que avant que Picasso peigne Les Demoiselles d'Avignon en 1907, ce tableau était impossible. Il rentre dans le domaine du possible une fois qu'il est peint. Mais Bergson va beaucoup plus loin. En 1907, c'est non seulement que le tableau devient possible, c'est qu'il devient vrai, qu'il a toujours été possible. Hein? C'est un usage de ce qu'on appelle en philosophie les modalités, contingence, nécessité, possibilité, impossibilité, etc. Tout à fait particulier. Dans les deux sources de la morale et de la religion, deux ans plus tard, il revient sur cette idée, mais à propos d'une catastrophe qui est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France le 4 août 1914, et il dit « Mes amis, jusqu'à ce moment fatal, nous tenions cette déclaration à la fois pour très certaine et impossible, puisqu'elle est devenue possible ». Et il est devenu vrai qu'elle a toujours été possible, etc. Bon. Et dans une note en bas de page de ce catastrophisme éclairé, je disais, il y a une conséquence perverse. Alors, ça permet d'expliquer pourquoi, si on tient la catastrophe à venir pour impossible, Ben, on fait pas grand chose. Bon. Mais dans une note de bas de page, je disais, mais considérons le cas où on fait des choses, y compris des choses coûteuses à tout point de vue, telles que des mesures de prévention, telles que la catastrophe ne se produit pas. Alors, elle ne se produit pas, c'est qu'elle reste dans le domaine de l'impossible. Et alors, on va dire à ce moment-là, ben, ce qu'on a fait, c'est pour rien. Or, c'est exactement le discours que tiennent les intellectuels dont nous parlons, n'est-ce pas ? Ils disent, on a fait des tas de choses. Pourquoi ? On fait des tas de choses. Sacrifice de liberté, sacrifice de l'économie. Pourquoi ? Regardez, c'est une grippette. Ben, ils tombent dans ce... Mais alors, ce que j'ai donc découvert, à vrai dire récemment, c'est que les raisons qui expliquent pourquoi nous ne croyons pas à ce que nous savons face à ces catastrophes expliquent aussi pourquoi il y a ce sophisme qui consiste à dire pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces choses, regardez, le résultat, bon, mais c'est pas très important. Sans voir que si on n'avait pas fait ces choses, le résultat aurait été différent. Ben évidemment. Alors, ben c'est ça qui se passe, c'est que ces gens ignorent les mondes qu'on dit en philosophie contrefactuels ou virtuels, si vous voulez, ceux qui auraient pu se produire si on avait fait ceci ou cela. Hein. Si le nez de Cléopâtre avait été plus long ou plus court, je ne sais plus, Marc-Antoine ne serait pas tombé amoureux d'elle et l'histoire de l'Empire romain aurait été tout à fait différente. Hein. C'est ça qu'on appelle des prohibitions contrefactuelles. Ils refusent ces mondes contrefactuels. Donc, pour qu'une chose soit réelle, soit possible, il faut qu'elle advienne. Et une fois qu'elle est advenue, on peut dire qu'elle, en fait, avant même qu'elle advienne, elle était déjà possible, contrairement à ce qu'on pensait. Mais voilà. Un ami qui s'appelle Olivier Garcia a trouvé l'anagramme du catastrophisme éclairé. Le catastrophisme éclairé, et je pense que l'anagramme va vous plaire parce qu'elle dit exactement la même chose, c'est thèse réaliste à accomplir. Thèse réaliste à accomplir. Ah oui, c'est pas mal non plus. Pour réfléchir là-dessus. C'est pas mal non plus. Et c'est pour se détendre, on va écouter un morceau de musique que vous avez choisi, Jean-Pierre Dupuis, qui est un morceau d'un musicien qui s'appelle Carlos do Carmo, c'est bien ça ? Portugais, Carlos. Voilà, nous allons l'écouter et ensuite vous nous expliquerez ce choix. Agarro a madrugada como se fosse uma criança. Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade, que manhã cedo ensaia a dança, de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua que deságua no rocio. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Eu sou um na cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta, vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa. Até que a lua apaixonada. Jean-Pierre Dupuis, cette chanson s'appelle Un homme dans la ville, c'est ça ? Woman na cidade. Ben, c'est ma langue. C'est ma langue, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. Alors, c'est pas tout à fait ma langue, parce que ma langue, c'est le portugais du Brésil, et que là, c'est le portugais du Portugal. Ah. Enfin, tellement bien chanté que articulé que les deux langues se rapprochent quand même. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Ben, d'abord, la beauté de la musique. C'est du fado pur et dur, qui est une des sources de la bossa nova brésilienne. Et par ailleurs, Carlos do Carmo est mort pendant la pandémie. Je ne suis pas sûr que ce soit du virus, mais il était âgé. Et puis le Portugal aussi est un pays qui a vraiment bien bataillé contre cette pandémie. Bon, il s'est relâché à Noël, pour les vacances de Noël de 2020, pour accueillir le tourisme venu des pays du Nord, d'Europe. Et ça a été terrible, la flambée. Bon, l'Espagne, avant, pendant les vacances d'été 2020, l'Espagne avait réussi son confinement parfaitement. Elle a ouvert toutes les vannes pour attirer les touristes pendant l'été, cette fois-ci, l'été 2020. Et ça a été une flambée, une croissance exponentielle, si je peux dire, terrible, à la rentrée, justement. Bon, donc... je reviens au Portugal, pays très courageux. Bon, nous lui devons énormément. Enfin, c'est la conquête de l'Amérique et de bien d'autres choses. Voilà. On va reparler, Jean-Pierre Dupuis, de ce que vous appelez dans votre livre le sophisme de l'an 2000, qui est une expérience qui sert de cas d'école un peu pour penser la situation d'aujourd'hui, en tout cas certaines analyses de la situation d'aujourd'hui. Oui. Mais avant, je voudrais vous citer cette phrase... qu'on doit à un certain Leonard Lyons, qui a été publié dans un magazine américain le 9 novembre 1951. C'est une phrase qu'on attribue souvent à tort à Churchill dans 50% des cas et à Coluche dans le restant des cas. Et cette phrase est la suivante. Les statistiques, c'est comme le bikini, c'est très important, mais ça cache l'essentiel. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les dommages qu'a produit le fait que beaucoup d'intellectuels ne maîtrisent pas bien les statistiques. Par exemple, confondent l'âge moyen des malades avec l'âge médian. Comment ils arrivent à des conclusions assez bizarres en disant, par exemple, l'âge moyen des personnes qui meurent en réanimation est de 80 ans, par exemple. Et ils en déduisent que seuls les vieux meurent du Covid. Bah, écoutez, quel est le sophisme qui est à l'œuvre là ? Mais là, j'ai pas. Si vous voulez, j'ai trouvé une raison pour le sophisme. Ce que j'ai appelé le sophisme de l'an 2000, on va peut-être expliquer pourquoi, c'est celui que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est cette modalité au sens métaphysique qui fait que, bon, on ne considère pas les mondes virtuels, hein, bon, on considère que le seul monde possible, le monde unique, tandis que là, je n'ai pas d'explication, sinon, une complète, mais ce n'est pas une explication, c'est un diagnostic. Une complète inadéquation au monde dans lequel nous vivons. Enfin, des statistiques, il y en a tout le temps. Alors, comment est-ce que des gens qui commettent ces erreurs peuvent interpréter... Encore une fois, je voudrais pas qu'on pense que je tiens un discours élitiste. C'est le contraire. Comme vous, d'ailleurs, j'ai passé ma vie à essayer de rendre la science accessible, enfin, et les concepts de la science accessibles. Mais est-ce que vous parleriez d'échec à ce propos ? Ben, d'échec, oui, absolument. Alors, c'est peut-être l'échec de l'éducation, attention, des classes primaires. Bon, alors, effectivement, on va pas citer de nom ici, hein, mais si on confond âge médian, c'est-à-dire qu'il divise sa population en deux, 50%, 50%, et l'âge moyen, qui est une moyenne, on multiplie des valeurs par des probabilités, disons, et on fait la somme, on aboutit à des choses aberrantes. Enfin, vous l'avez dit, à dire... les gens alors, et on confond en plus âge moyen comme si la courbe était une courbe normale, était extrêmement resserrée, hein. Tout le monde était à la moyenne, quoi. Tout le monde meurt à 80 ans. Bon, c'est beaucoup moins grave quand même que mourir à 30 ans. Bon, mais c'est une absurdité, parce que d'abord l'âge moyen, il est beaucoup plus faible. Alors, et pourquoi? Ça, c'est à cause d'une particularité de ce virus qu'on a connu, qu'on essaie depuis le début, n'est-ce pas? Au lieu que ce soit une courbe en cloche, c'est-à-dire que le taux de létalité en fonction de l'âge soit une courbe avec une moyenne, je sais pas, 70 ans, disons, etc. C'est une courbe constamment croissante, c'est-à-dire plus on est âgé, plus on a des chances de mourir si on attrape le virus. Hein? Bon, voilà. Et à ce moment-là, on montre que petite démonstration géométrique, que l'âge moyen est nettement inférieur à l'âge médian, et que l'âge moyen est de l'ordre de 70 ans, c'est-à-dire inférieur à l'âge, à l'espérance de vie, à la naissance. Hein. Donc le virus, effectivement, tue des gens qui ne devraient pas mourir. Hein. C'est pas qu'ils devaient mourir de toute manière. tue des gens qui ne devraient pas mourir. Et c'est de plus en plus vrai, puisqu'on sait que de plus en plus, d'ailleurs, cet âge moyen diminue, hein, diminue. De plus en plus de jeunes meurent de cette saleté. Jean-Pierre Dupuis, je voudrais vous faire réagir à un autre extrait d'un texte écrit par l'auteur que je citais tout à l'heure, François Cassin-Génat Trévidi, qui parle de l'État qui a parfois servi de bouc émissaire tout à fait. Dans cette affaire. Voilà ce qu'il écrit. « Nous concevons volontiers l'État comme une instance extérieure, contrariante, voire hostile, alors qu'en bonne logique démocratique, l'État devrait nous être intime, comme nous devrions nous sentir responsables de lui, si modeste que soit notre place et notre efficience dans le corps social. Il y a là, une fois dépassée la tentation contestataire, un exercice de solidarité qui concerne autant notre vie spirituelle que notre vie civique. Du reste, la première ne peut se développer à l'écart ni à l'encontre de la seconde. Tâchons donc, il a écrit cela au mois de mars 2020, tâchons donc par notre discipline et notre maturité de jouer le jeu de l'empirique qui s'impose actuellement comme une nécessité. La peur se cherche d'instinct des boucs émissaires et peut s'en trouver un, à bon compte, jusque dans l'État. C'est pourtant l'union et l'union seule qui nous empêchera de mourir. Oui, ben je suis complètement d'accord avec cela. L'État, c'est le parfait bouc émissaire puisque ce n'est pas une personne mais une idée. Donc, attaquer l'État, ça fait de mal à personne. Enfin, bon, attention, attaquer l'État, ça n'est pas attaquer le gouvernement. Hein. Bon, vous savez que je suis très lié aux États-Unis d'Amérique, au Brésil et aussi à l'Amérique du Nord. Et aux États-Unis, ils n'ont pas, sauf les philosophes politiques, ils n'ont pas vraiment de concept d'État. Ils disent le gouvernement. Bon, le gouvernement. Le gouvernement, comment s'appelait-il? J'ai oublié déjà son nom. Trump? Oui, Trump, voilà, pardon. Vous avez oublié le nom de Trump? Oui. J'ai oublié. Voyez, ça paraît déjà il y a un siècle. Bon. On parle du gouvernement Trump. Bon. Remarquez, on peut dire ici le gouvernement Castex, mais l'État, ce n'est pas le gouvernement Castex. D'ailleurs, c'est pourquoi on a pu dire, par exemple, que l'État restait pur, même sous Vichy, hein, puisque le gouvernement Pétain, ce n'était pas l'État. Bon, l'État est donc une idée. Et prendre comme bouc émissaire une idée, bon, j'ai des amis juifs qui sont, tout en étant juifs pratiquants, ne croient pas en Dieu, croient que Dieu est une ruse inventée par le peuple juif, et pour servir de bouc émissaire, justement. Hein? Dieu est méchant dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Il intervient tout le temps et il n'est pas toujours très gentil. Bon, ben c'est parfait puisque on a un bon bouc émissaire. Alors l'État, comme idée, c'est un peu la même chose. Voilà. Dans beaucoup de chapitres, Jean-Pierre Dupuis, de votre livre qui s'appelle « La catastrophe ou la vie, pensée partant de pandémie », vous parlez de biologie et vous parlez des différentes sortes de vie. En ajoutant des adjectifs derrière le mot vie, la vie biologique, la vie nue, etc. Et vous posez la question de savoir si on a le droit de saucissonner la vie. Oui. C'est votre expression. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la vie nue? Ben, attendez, là c'est difficile de pas citer un nom propre. On avait dit qu'on ne citerait pas de nom propre. Or, la vie nue, ça signe quelqu'un. On peut dire son nom? Ben, c'est vous qui allez le dire. C'est le philosophe italien Giorgio Agamben qui a inventé cette notion et que je trouve non seulement fausse, mais abjecte, infecte, elle pue, puisque ça consiste à dire, par exemple, que les pauvres du nord-est brésilien qui m'arrive de fréquenter, enfin bon, ils n'ont que la vie nue pour eux. C'est la vie pauvre. C'est la vie pauvre, évidemment. Bon, par ailleurs, c'est l'argument mis en avant par ces gens, parce qu'il a beaucoup de disciples. Attention. Hein, l'argument mis en avant, c'est que la vie authentiquement humaine, c'est la vie qu'on est prêt à sacrifier. Tandis que la critique du gouvernement, des nos gouvernements actuels, c'est qu'ils ont tout sacrifié, toutes les valeurs, l'économie, la liberté fondamentale, à la vie nue, justement. Donc voilà, c'est une opposition finalement religieuse. Hein. Moi, je ne crois pas du tout à cette opposition. Enfin, Mais enfin, là, il faudrait en parler plus lentement. Mais vous avez le temps. Sinon, est-ce que ça amène aussi à la question de savoir si les différentes vies ont la même valeur? Ah ben non, mais dès qu'on a posé cette question... Non, mais cette question ne se pose plus dès lors que vous refusez ce saucissonnage. Là, ce n'est pas un agramme, c'est de la contrepétrie presque. Des saucissons, oui. Parce que des économistes ont essayé de trouver des méthodes pour oui. quantifier, ah ben, oui. en fonction des différents paramètres, notamment l'âge, oui, la valeur oui. de la vie. Oui, oui. Est-ce que ces calculs ont le moindre sens? Est-ce qu'ils ont une effectivité? Est-ce que, de façon peut-être inconsciente, ils jouent, ils distillent en nous une certaine appréciation de ce qu'est la valeur de la vie humaine? Ben oui, écoutez, tout ça, moi j'ai vécu cela d'ailleurs. C'était à l'origine du plan sous Pompidou, hein, ce commissariat au plan que le gouvernement actuel semble vouloir faire revivre, bon, de manière modeste en tout cas. C'était l'époque du grand développement des autoroutes en France et des calculs économiques étaient faits. Hein, à quoi sert une autoroute? Eh ben aller plus vite, par exemple. Mais ça coûte très cher, une autoroute. C'est un réseau d'autoroutes. C'est pour gagner du temps, mais c'est aussi pour économiser des vies humaines, hein, avec l'idée qu'il y aura moins d'accidents. Bon. Donc, pour faire le calcul global de la rentabilité de ces équipements, il faut donner une valeur au temps et une valeur à la vie humaine sauvée. Voilà. Bon. Et l'idée, c'est qu'on est à un optimum social lorsque la valeur de la vie humaine sauvée par des mesures de prévention ou de santé, est la même dans tous les secteurs. Hein, lutte contre le cancer, aussi bien qu'aménagement des routes et des autoroutes. Voilà. Hein. Alors, on peut montrer qu'à ressources données, si vous égalisez toutes les valeurs dites marginales de la vie humaine, ben, vous obtenez un maximum de vies sauvées. Or, la réalité montre quelque chose de tout à fait différent. Les valeurs implicites de la vie humaine dans les divers secteurs varient comme 1 à 10 000. Prenez un alpiniste perdu sur une montagne, etc., et dont on va essayer de sauver la vie avec des hélicoptères et tout, valeur énorme. Prenez les accidents de la route, c'est une valeur implicite beaucoup, beaucoup plus faible. Bon, mais pour des raisons à peu près évidentes, il y a le caractère spectaculaire de... Prenez l'aviation aérienne, c'est la première fois que le... Enfin, il vole plus, je crois, l'Airbus qui avait 900 passagers. C'était le 380 bon, bah, oui, peut-être admettons, bien. Admettons. Admettons. Bon, admettons. Bah, la première fois, il n'y a pas eu de première fois, heureusement, qu'il s'écrasait. C'était donc 900 passagers plus l'équipage. Là, serait donc la valeur implicite de la vie humaine, et c'était tellement très forte. Donc c'était un calcul qui relevait ce qu'on pourrait appeler, enfin de ce que vous appelez tout à l'heure de la recherche opérationnelle. Exactement. Bon, exactement. Oui, c'est ça, comme les jeeps. Et alors, il y a quelque chose qui scandalise les économistes rationnels de la santé, c'est le fait, ça c'est très troublant d'ailleurs, je veux dire, très troublant, que les dépenses de santé pour un individu donné sont essentiellement concentrés sur sa dernière année de vie. Indépendamment de l'âge, attention, c'est pas l'âge, c'est bien la dernière année de vie. Il y a une corrélation très forte, peut-être 70%, ça dépend des pays, hein. Ça va entre 40 et 70% des dépenses de santé pour un individu donné, c'est sur sa dernière année. Oui, mais ça, c'est après coup, parce qu'on ne sait pas à l'avance quelle est la dernière année de sa vie. Exactement, ça ne peut évidemment pas servir de gestion rationnelle, d'élément pour une gestion rationnelle des dépenses de santé, puisqu'on ne sait pas si c'est la dernière année de vie. Mais on peut peut-être calculer des probabilités, par exemple, et faire une pondération. Oui, alors, on est revenu à la gestion du parc de Jeep. Bon, alors, et la question est, comment expliquer ces disparités de la valeur de la vie humaine selon les secteurs? Bon, ben, par des raisons, justement, de psychologie collective assez simples. J'essaye de mener cet exercice. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dirait, par exemple, que la vie de Jean Cavaillès, qui fut un grand résistant, avait plus de valeur que celle de Klaus Barbie? Oui, là, il y a une de mes cibles qui dit cela. Oui, une de mes cibles qui dit cela. La Gestapo aurait dit l'inverse. Oui, oui, exactement. Bon. Et par ailleurs, pendant que j'écrivais ce livre, je donnais un cours à Stanford, non pas à Stanford, mais enfin à Stanford, entre guillemets, devant votre écran, par Zoom depuis mon appartement parisien. Mes étudiants étant eux-mêmes dispersés aux quatre coins de la Terre, puisque, bon, le campus est fermé, ou était fermé. Nous lisions, donc mon cours était sur le problème de la, sur le, le problème du mal en philosophie, littérature et film. Bon. Et nous lisions justement à ce moment-là le livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Bon. Et j'avais un livre que j'ai lu plusieurs fois, et il y a un passage dans lequel elle rapporte la manière dont les Allemands, après la guerre, hein, les Allemands qui réfléchissaient sur ce qui s'était passé, disaient que oui, les nazis ont quand même exagéré, ils auraient dû prêter plus de valeur à la vie d'Einstein qu'à celle du petit Niklas, enfin Klaus, ou, etc., au coin de la rue. Bon. Et Hannah Arendt dit, c'est honteux de dire cela. Enfin bon, c'est honteux de dire cela, voilà. Alors moi, j'ai une autre solution dans mon livre qui consiste à dire, c'est pas qu'il y a certaines vies qui ont plus de valeur que d'autres, elles sont incommensurables. On ne peut pas les comparer. Hein, ça existe aussi comme possibilité logique. Ni ça revient plus, à dire qu'elles moins. N'ont pas de valeur. Hein? Ça revient à dire qu'elles n'ont pas de valeur. Absolument. Parce que si elles avaient une valeur, on pourrait les comparer. Exactement. Exactement. Elles n'ont pas de valeur. Voilà, c'est ça. Ou elles ont une valeur infinie. Oui, c'est ça. Bah, alors on peut dire qu'elles ont toutes une valeur infinie, effectivement. Oui, oui. Oui. Et mais ce qui n'empêche que on a des ressources limitées. Ça, je suis bien d'accord. Inégales. Et inégal, mais vouloir les répartir selon le critère des économistes, qui est d'égaliser dans tous les secteurs la valeur marginale de la vie humaine, conduit à des aberrations, puisque c'est pas par hasard qu'on dépense beaucoup plus pour sauver une vie dénommée, celle de telle personne qui est dans une situation dramatique, et des vies statistiques, comme celle des accidents de la route. Hein? Alors ça, c'est pour la question de la valeur de la vie, mais est-ce que... À propos de la nature de la vie, il y a des questions légitimes qui se posent. Est-ce qu'on est capable de répondre à la question « qu'est-ce que la vie ?» Alors, j'ai un chapitre consacré à ça. C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord, ok. mais là, vous me donnez combien ? 2-3 heures ? Bon, parce que il nous reste quelques minutes. Bon, d'accord. Mais suffisant pour montrer que le problème n'a pas de solution. Ben oui, tout à fait, d'accord, on est bien d'accord. C'est, je retrace dans ce chapitre la montée d'une idée et sa dégénérescence. Hein. La montée de l'idée, c'est l'idée que on peut expliquer des ordres sans designer. Bon, c'est-à-dire sans quelqu'un qui les a conçus. Fût-ce Dieu. Hein? Bon, une autre manière un autre vocabulaire, c'est-à-dire, peut-on penser l'auto-organisation, hein? L'auto-organisation, l'auto-transcendance, l'auto-poïèse, disent certains, etc. Bon, c'est une idée très très forte qui permet de résoudre pas mal de mystères. Mais le problème, c'est que cette idée a été, récupérée par la nanotechno-biotechnologie. NBIC. Oui, technologie. NBIC. NBIC. Nano-bio-info-cogno-technologie. Bon. Et des gens qui ont dit, regardons la manière dont le corps humain est fabriqué. Si ça avait été designed, hein, c'était conçu, mais au sens de la conception industrielle, quelle sorte, ben, il faudrait vider aussitôt le designer. Hein. Il y a des formes aberrantes. Hein. Bon, l'exemple pris là, c'est celui du pelvis, enfin du cordon ombilical autour de, bon, qui nous vient des poissons, en fait. Bon. Et bon, quel est l'architecte qui a créé cette aberration? Ben alors, l'étape immédiate qui vient après, c'est de dire, ben, nous pouvons faire mieux que la nature ou que Dieu, hein, avec notre intelligence, etc. Bon, ben mais sans savoir exactement ce qu'on fait, parce que sans savoir ce qu'on fait, on perd le contrôle. Exactement. Donc l'ingénieur est payé d'autant plus cher qu'il fait des choses impossibles à prévoir. Exactement. Qui crée de la surprise. Exactement. Alors voilà. Alors ça, c'est aussi un corrélat de cette mainmise des nanobio, etc., technologie. C'est que l'ingénieur de demain sera content lorsque non pas il aura répondu à un cahier des charges, construisez un engin qui permet de transporter 4 personnes de manière économique, etc. Mais lorsque lui-même sera surpris par ses créations, effectivement. Alors évidemment, c'est admirable et en même temps. Alors je pense à une découverte extraordinaire grâce à laquelle nous devons en particulier nos vaccins, là, enfin, ARN messager, etc. C'est c'est un nom impossible à dire, la CRISPR-Cas9, voilà, qui est l'édition au sens d'édition d'un film, hein, ou d'un de bout de, d'ADN ou d'ARN. Bon, voilà. On peut les couper à volonté. On peut les couper. Je vous rappelle que moi, j'étais vacciné au Moderna. Vous savez ce que veut dire Moderna ? Ça veut dire mode, modified, modifié. RNA, c'est l'ARN en anglais. C'est donc l'ARN modifié. Moderna, le vaccin, ça veut dire ARN modifié. Je croyais que ça voulait dire moderne. Non, justement. Bon, donc voilà. Et je connais un peu, surtout l'américaine, beaucoup plus que la française, Jennifer Doudna. Et la française s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui ont eu le prix Nobel de chimie en 2020, en plein moment, etc. C'est elles qui ont mis au point cette technique. Et Jennifer Doudna, j'ai assisté à une conférence d'elle à Berkeley, elle disait qu'au début, elle ne dormait pas la nuit. Parce qu'évidemment, on peut construire toutes les chimères au sens technique, biologique du terme, hein. Ça c'est de la science-fiction, mais des hommes à tête de mouche. Bon, hein. Et vous-même, vous rappelez dans votre livre, Jean-Pierre Dupuis, que la définition du complexe, c'est la capacité d'un être complexe à devenir plus complexe. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, à la complexité. Ah mais tout à fait, oui, il n'y a pas de limite. Oui. Et donc ces possibilités techniques nouvelles vont certainement être essayées à leur tour et produire une nouvelle complexité. Parce qu'elles sont complexes. Sans doute, oui, sans doute. Oui. Ben oui, c'est une philosophie de la technologie qui, je crois, marche, effectivement. Qui est valide, enfin. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez terminé l'écriture du livre, Jean-Pierre Dupuis, mais dans la conclusion, vous dites ceci. Les beaux idéaux de liberté et d'égalité ont été galvaudés. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut si cela conduit au malheur général. L'égalité, ce n'est pas le partage égal d'un gâteau si ce gâteau est empoisonné. Ça semble assez évident et pourtant vous semblez dire que tout le monde n'a pas eu cette vision-là des choses en tête pendant la crise. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de faillite de la pensée intellectuelle ? Ça dépend où et quand. Et je veux être un peu plus charitable quand même. Enfin bon, si vous voulez, cette épidémie, elle a à peine plus d'un an. Hein. Il est normal que... Mon livre, c'est pas pour attaquer. Enfin, je veux dire, même s'il fait mal parfois, semble-t-il, mais... Pour remercier des gens que vous attaquez. Oui. Non, c'est pour lancer un débat, mais enfin, je veux dire, à des amis... Si on est vraiment, parce que certains de ces gens sont des gens que je connais depuis longtemps et qui sont des amis. Bon, un ami, on ne cache rien. Enfin, même sa déception. Bon. Et est-ce que vous pensez que certaines des leçons, comme je le disais dans l'introduction, de choses qu'on a apprises grâce à l'épidémie, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que l'affaire est complexe. Donc les discours simplistes qu'on a pu entendre au début ont été abandonnés. Est-ce que vous pensez que ces leçons vont être durables ? Ben écoutez, contrairement à cette émission qui va s'achever. Les leçons, je lis, où on critique ce simplisme qui a... Oui, c'est-à-dire est-ce que ça va enclencher pour la suite une prudence intellectuelle plus grande ? Ben, si vous interrogez le sociologue en moi, je dirais c'est peu probable. Si vous interrogez l'homme de foi, je dirais, je l'espère, oui. Ça sera le mot de la fin, Jean-Pierre Dupuis. Merci d'être venu en direct au Théâtre de la Ville. Je recommande la lecture de votre livre « La catastrophe ou la vie » qui est paru au Seuil. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique pour France Culture, Alain Piet, Laurent César, Benjamin Thuot, Kevin Delcourt, Guillaume Rialan, que je remercie. Avec la réalisation Anna Olvek, et je remercie également toute l'équipe technique dirigée par Wojtek Noiret pour le Théâtre de la Ville.